بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه السلسلة أو لهذه السلسلة bienvenue aux chers frères pour cette série de cours très bénéfique. فاليوم نستأنف الدروس القراءة والتعليق على هذا الكتاب عمدة الأحكام. Aujourd'hui, on reprend la lecture et le commentaire de ce livre عمدة الأحكام. وبالمناسبة أحببت أن أذكر إخوتي بأهمية هذا الدرس. Et je profite de l'occasion pour rappeler mes frères de l'importance de ce cours. فهذا الكتاب الذي نقرأه متعلق بالأحاديث التي اتفق عليها الشيخان. فهو متعلق بأصح الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc ce livre que nous étudions est un livre qui concerne les hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Et donc ce livre concerne les hadiths les plus importants, les hadiths les plus authentiques rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذا الموضوع مهم. Et donc ce sujet est très important. فإن النبي فإن المسلم مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم car certes le musulman il lui est ordonné de suivre le prophète صلى الله عليه وسلم وكيف يتبعه ولا يدرس سنته وأحاديثه. Comment est-ce que le musulman peut suivre le prophète صلى الله عليه وسلم sans étudier sa sunnah et sans étudier ses ahadith, alors que Allah tabaraka wa ta'ala imtadaha ha'ula alladhina yattabi'una an-nabi. Allah tabaraka wa ta'ala a certes fait l'éloge de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabi al-ummi, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فهذا الدرس مهم للغاية. Et donc ce cours est très important, oh chers frères. ولا سيما أنه متعلق بأحاديث الأحكام. Et particulièrement qu'il est lié aux hadiths, aux récits prophétiques concernant les règles de la jurisprudence islamique. وأنتم تعرفون وقد درسنا وذكرنا مرارا أن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته. Nous avons vu plusieurs fois que Allah تبارك وتعالى nous a créé pour l'adorer. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وهذه العبادة لها أحكام. Et cette adoration a des règles, des conditions. فيجب علينا أن نتعلم هذه الأحكام. Et donc il nous est obligatoire d'étudier ces règles afin de pouvoir adorer notre Seigneur correctement. وكذلك أيها الإخوة كثير من الناس الآن بسبب فشو الجهل لا يعرفون أهمية هذه الحلقات. Beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause de la propagation de l'ignorance, ne connaissent pas ou ne reconnaissent pas l'importance de ces assises. فيرون أن المسلم يكفيه أن يشاهد على اليوتيوب فيديو يستغرق ثلاث دقائق أو أكثر بقليل. Beaucoup de musulmans vont donc penser que le musulman lui suffit de regarder quelques vidéos sur YouTube qui vont durer 3 minutes ou un peu plus que 3 minutes. فيظنون أن المسلم هكذا يتعلم دينه. Ils pensent que le musulman c'est ainsi qu'il apprend sa religion. مع أن العلماء ألفوا كتبا. Alors que les savants, ils ont écrit énormément de livres. وقاموا بالحلقات. Et ils ont fait des assises de science. يدرسون الناس ويعلمونهم ما يحتاجون إليه. Ils enseignaient aux gens ce dont ils avaient besoin. وبعض الناس يريدون دروس في المواعظ مثلا أو القصص. Certaines personnes veulent des cours, des exhortations ou alors des histoires. Moi, c'est ce que je veux, c'est ce qui touche mon cœur. فنقول له أنت تريد أن تطهر قلبك. Nous lui disons, tu veux purifier ton cœur. فطهر قلبك بتعلم ما فرضه الله تبارك وتعالى عليك لتقوم به. Purifie ton cœur. Nous lui disons, purifie ton cœur en apprenant ce qu'Allah t'a rendu obligatoire, afin que tu puisses l'accomplir correctement. Et c'est ainsi que tu vas purifier ton cœur, comme nous le verrons, Inch'Allah Ta'ala. وكذلك أيها الإخوة الداعية إلى الله تبارك وتعالى لا ينبغي له أن يعطي الناس ما يريدون ولكنه يعطيهم ما يحتاجون إليه. Et aussi aux chers frères, le prédicateur, il ne convient pas qu'il enseigne aux gens ce qu'ils veulent. Mais il convient par sincérité, par honnêteté, par amour envers ses frères, qu'il leur enseigne ce dont ils ont besoin. فها هو ابن عباس رضي الله عنهما قال لي عطاء أتريد أن ترى امرأة من أهل الجنة. ابن عباس رضي الله عنهما qui dit à Atta, comme dans Sahih al-Bukhari, est-ce que tu veux voir une femme du paradis? Est-ce que tu veux voir une femme du paradis? فهذه المرأة السوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أسرع وأتكشف. Cette femme noire est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ô messager d'Allah, je suis régulièrement prise d'épilepsie et je me dénude. Fad'u Allah li, alors invoque Allah pour moi. Ici, cette femme, elle voulait quelque chose. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها خيرا مما كانت تريده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cependant, lui a donné une chose qui est meilleure que ce qu'elle voulait. Il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, لو صبرت فلك الجنة. Il lui a dit, si tu patientes, si tu endures, tu auras le paradis. فقالت إذا أصبر. Alors elle a dit, alors je patiente. فقالت ولكني أتكشف. فادعوا الله أن لا أتكشف. Elle a dit, je patiente, j'endure. Cependant, je me dénude. Alors invoque Allah pour que je ne me dénude pas. Et donc elle a patienté sur cette maladie et sur l'épilepsie. فلها الجنة. Elle a le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, ne lui a pas donné ce qu'elle voulait, mais lui a donné mieux. Il lui a donné ce dont elle avait besoin. وهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم Qailan awsini ya Rasulallah. Cet homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: fais-moi des recommandations, ô messager d'Allah, conseille-moi. Il lui a dit: la tardob, ne t'énerve pas. Awsini, il continue, quoi d'autre? Ne t'énerve pas, la tardob. Quoi d'autre? La tardob, ne t'énerve pas. لأن هذا الرجل كان يحتاج إلى ذلك. Car cet homme avait besoin de ça. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما كان يحتاج إليه. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم lui a donné ce dont il avait besoin. وهذه وظيفة المدرسين. Et ceci est la fonction des enseignants. فها نحن نقرأ في هذا الكتاب. Et donc nous voilà et nous lisons donc ce livre très important et nous entamons aujourd'hui un sujet énorme, Az-Zakat, le chapitre concernant l'aumône obligatoire, Az-Zakat. L'auteur qui nous dit, Rahimahullah, Kitab Az-Zakat. Faz-Zakat ou Louratan, ayyou al-Ikhwa. Le mot zakat dans la langue arabe. Pourquoi c'est important d'apprendre la signification du mot zakat? Il faut qu'on sache de quoi on parle. Zakat dans la langue arabe, c'est l'augmentation et le fait de grandir. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Il dit à son prophète: prends de leurs biens une aumône, donc des biens qu'ils possèdent, prends une aumône par laquelle tu vas les purifier, وتزكيهم بها, et par celle-ci tu vas aussi les faire augmenter. Il nous dit à Sa'di rahimahullah: أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي وتنمي أموالهم. Il nous dit, le très savant Sa'di, Sa'di dans le tafsir de ce verset, il nous dit, c'est-à-dire que par cette aumône, tu vas les faire augmenter, c'est-à-dire en degré, et tu vas accroître leur bon comportement et leurs œuvres pieuses, et tu vas augmenter leur récompense mondaine et leur récompense dans l'au-delà, et tu vas augmenter leur bien par cette aumône. Et donc c'est l'augmentation. Wa kadhalika ta'ti az-zakat fi al-lugha bi ma'na at-tahara. Et aussi le mot az-zakat dans la langue arabe va aussi avoir le sens de la purification. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: Ya Yahya, khudil kitab abikuwa. Ô Yahya, prends le livre avec fermeté. Wa ateinahu l'hukma sabiyya. Et nous lui avons accordé le jugement alors qu'il était un petit enfant. C'est-à-dire, nous lui avons accordé la connaissance du jugement et des règles alors qu'il était un petit enfant. Et aussi nous lui avons accordé une tendresse venant de nous, ainsi qu'une zakat, purification, ainsi qu'une purification, et il était pieux. Si'adi rahimahullah, il nous dit: ay taharatan min al-afati wa dhunub. Il nous dit, c'est-à-dire qu'il est purifié des péchés et aussi de ce qui est blâmable. Et donc la zakat, ô chers frères, elle purifie et elle augmente le bien. Et donc si je vous demande que signifie la zakat dans la langue arabe, vous me dites: la zakat peut avoir plusieurs significations, plusieurs sens, comme on a vu la purification ou l'augmentation. Amma fi shar'a fa zakat هي التعبد لله بإخراج قدر مخصوص min malin mahsous, min shakhsin mahsous ila jihatin mahsousa. Et donc la zakat dans la législation, c'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en s'acquittant d'une quantité spécifique, d'un bien spécifique, un bien qu'on possède. Ça peut être de l'argent, ça peut être des végétaux, animaux ou autres. On le verra tout cela. On voit aujourd'hui la définition de manière générale. Et ensuite, on va expliquer cette définition cours après cours, leçon après leçon, incha'Allah ta'ala. Et donc, c'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en s'acquittant d'une quantité spécifique, d'un bien spécifique, d'une personne spécifique, car ce n'est pas toutes les personnes qui doivent payer la zakat, à une personne spécifique. On ne donne pas la zakat à n'importe qui non plus. Et tout cela, on va le voir, ces quatre points-là, on les verra, incha'Allah ta'ala, petit à petit. Mais ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est cela. Au prochain cours, je vais vous demander, incha'Allah, au prochain cours, c'est vous qui allez répondre. Mahiya zakat ou l'oratam? Quelle est la zakat dans la langue arabe? Et quelle est la zakat istilahan chez les fuqaha? C'est le fait de s'acquitter d'une quantité spécifique, d'un bien spécifique, d'une personne spécifique, pour une personne spécifique. Le fait de le faire pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Adorer Allah en cela. Et la zakat est obligatoire par l'unanimité des savants. ومن جحدها فهو كافر بالإجماع كما نقله الإمام أحمد وكذلك ابن تيمية رحمة الله على الجميع. Et aussi celui qui rejette le caractère obligatoire de la zakat, alors celui-ci est un incroyant. Celui qui nous dit la zakat n'est pas obligatoire, c'est un incroyant. Et cela encore par l'unanimité des savants, comme l'a cité l'imam Ahmed, ainsi qu'Ibn Taymiyyah, et aussi Ibn Abdelbar, et énormément de savants qui ont cité cela. Qu'Allah leur fasse à tous miséricorde. Le très savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il nous dit, sauf celui qui vient de se convertir, il ne sait pas. Ou alors celui qui a grandi dans un pays où il n'y a pas du tout de science, il ne peut pas savoir. Alors celui-ci est excusé. Et on lui enseigne que la zakat est obligatoire et qu'il ne peut pas rejeter le caractère obligatoire de la zakat. Wa zakatu ayyuha al-ikhwa qarinatu as-salat. Et la zakat, ô chers frères, est liée à la salat. Elle est liée à la salat. Comme on peut le voir clairement dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa aqimu as-salata wa atu az-zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de l'aumône. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Certes, votre allié c'est Allah ainsi que son prophète et ceux qui ont cru. Ceux qui accomplissent la prière s'acquittent de la zakat et qui s'inclinent. Et donc on voit clairement, ô chers frères, que la zakat est liée à la prière. Ce qui nous montre encore une fois l'importance de ce sujet. Beaucoup de personnes vont délaisser ce sujet malgré son importance. Malgré le fait que la zakat soit un des piliers de l'islam, beaucoup vont être distraits, insouciants de cela. Ne savent pas quelle quantité nous devons donner de nos biens. Ou si la zakat leur est obligatoire, ils ne savent pas. Alors que c'est un des piliers de l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala qui fait l'éloge, comme on l'a dit précédemment, de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, il dit, certes, mon châtiment touche celui que je veux. Et ma miséricorde englobe toute chose. Alors, je vais l'accorder de façon spécifique. Ici, il nous cite la miséricorde spécifique. Yaoum al-Qiyama, nous disent les savants. Fasi aktubuha lilladhina yattakun wa yu'tuna az-zakat walladhina hum biayatina yu'minun. Et donc je vais l'accorder de façon spécifique à ceux qui font preuve de piété et qui s'acquittent de l'aumône obligatoire, la zakat, et ceux qui croient en nos signes, en nos versets. Idhan hadha al-mawdu' muhim lil-ghaya. Et donc, oh chers frères, ce sujet est d'une extrême importance. Nous ne pouvons pas faire preuve de négligence dans ce sujet, laisser les assises passer sans essayer d'apprendre notre religion, sans essayer d'apprendre ce qui nous est obligatoire. وكذلك من ترك هذا أو هذه الزكاة فخطره عظيم. Et aussi, celui qui va délaisser cette obligation, il va délaisser cette aumône obligatoire, alors, il est en danger. Il est dans un grand danger. Allah tabaraka wa ta'ala qui cite la parole des gens du paradis au jour de la résurrection, lorsqu'ils verront les gens de l'enfer, ils diront, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit d'eux, « Qalu ma salakakum fi saqar » Ils diront, « Qu'est-ce qui vous a entraîné dans l'enfer ?» Le feu. Ils diront, nous ne faisions pas partie des prieurs. Et nous ne donnions pas non plus de nourriture aux pauvres. Et donc le fait de ne pas dépenser pour les pauvres est grave et lourd. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit aussi dans son livre, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et que ceux à qui nous avons accordé de nos faveurs, des biens ici-bas et autres, et que ceux à qui nous avons accordé de nos faveurs et qui ont fait preuve d'avarice envers cela, qu'ils ne pensent pas que ceci est un bien pour eux, mais ceci est un mal pour eux. Ce par quoi ils ont été avares sera accroché à leur cou au jour de la résurrection. Ils seront châtiés pour cela. Idhan hadhihi al-mas'ala 'azima, et donc ce sujet est très important, nous ne pouvons pas le négliger. Comment des musulmans peuvent passer des années et des années et des années en islam et nous dire je ne sais pas ce que la zakat? Allahu a'lam, j'ai déjà entendu ce mot, mais je ne sais pas c'est quoi. Concrètement, je ne sais pas. Tu pries tous les jours? Oui, je prie tous les jours. Alhamdulillah. Parfois même, toutes mes prières à la mosquée, mashallah, toutes tes prières à la mosquée. Az-zakat qarinatus salat. Ok, mais la zakat, elle est liée à la salat dans le livre d'Allah. Comment peux-tu prier tous les jours et ne pas connaître le sujet de la zakat? Il est important, cher frère, qu'on accorde beaucoup d'importance à ce sujet. Wa kadhalika hadhihi az-zakat tukaffiru adh-dhunub. Et aussi, cette aumône, elle va permettre l'expiation des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit comme dans Jami' al-Tirmidhi, « Was-sadaqa tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u al-nar. » Et l'aumône efface les péchés de la même façon que l'eau éteint le feu. De la même façon que l'eau éteint le feu. Et donc, si tu vois un feu chez toi à la maison, et que tu vois que tu as encore la capacité de l'éteindre, il vient de démarrer. Tu vas chercher à l'éteindre en prenant de l'eau rapidement, vite. Ça urge. Tohèb, comment se fait-il que pour nos péchés, on ne pense pas à la zakat? On est là, Allah ghalib. Qadar Allah, qu'Allah facilite, incha'Allah. Comment se fait-il qu'on ne pense pas à cette zakat qui efface les péchés de la même façon que l'eau éteint le feu? À cette zakat qui purifie, comme on l'a vu précédemment, hein, ceux qui nous disent « je veux ressentir, je veux des cours qui ont un impact sur mon cœur afin de purifier mon cœur ». La zakat qui purifie ton cœur et qui augmente le bien qui peut y avoir en toi, les bonnes mœurs, les œuvres pieuses. Comme on l'a vu dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها. Prends de leur bien une aumône par laquelle tu vas les purifier et tu vas les faire augmenter. Subhanallah. Comment pouvons-nous négliger ce sujet? وكذلك بعض الناس الإشكال أيها الإخوة أن بعض الناس يظنون أن هذه الصدقة هي تنقص من أموالهم وهذه شبهة شيطانية. Et le problème, c'est que certaines personnes pensent que cette aumône, cette zakat, va diminuer leur argent. Et ça, c'est une ambiguïté diabolique. Ça diminue leur argent. Ah, cette année, j'ai tant... Bon, la zakat, si je calcule le nisab avec l'or, c'est pas obligatoire. Mais si je calcule le nisab avec de l'argent, c'est obligatoire. Mais j'ai pas beaucoup d'argent, malish. Ben, je vais calculer avec l'or. Comme ça, je vais pas sortir la zakat. J'ai pas besoin de sortir. Parce que si je donne la zakat, après, j'aurai pas beaucoup pour tel et tel projet. J'ai ci, j'ai ça à faire. J'ai ci, j'ai ça. Wakod. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال. L'imam مسلم a cité dans son صحيح selon أبي هريرة رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit une aumône ne diminue pas un bien. Ne diminue pas le bien que tu possèdes. L'aumône ne va pas diminuer ton argent. C'est une ambiguïté. Et c'est une erreur dans la foi de la personne. Fi iman et shars. Rappelez-vous, car parmi les particularités des croyants, c'est qu'ils croient en l'invisible. Le problème de cette ambiguïté, c'est que cette ambiguïté, elle est liée à ce que tu vois. Certaines personnes vont voir tout de suite, il y a moins d'argent sur le compte. Voilà ce qu'ils vont voir. Et ils vont s'accrocher à ça. Et ils ne pensent pas au fait que par cette aumône, Allah peut augmenter leur argent. Ils ne pensent pas au fait qu'en se privant de cette aumône, ça peut être une cause de la diminution de leurs biens. Comme on peut le voir clairement dans Sahihain. Toujours selon Abi Hurairata radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Mais min yawmin yusbihu l'ibadu fih, illa malakani yanzilan » Il n'y a aucun jour sans que les anges descendent à l'aube. « Yakulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafan » Wa yakulu l'akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan » Et donc, un des deux anges, tous les jours, à l'aube, dans Sahihain, un des deux anges dit, « Oh Allah, accorde à celui qui dépense khalafan, c'est-à-dire accorde-lui une récompense pour sa dépense, pour ce qu'il a dépensé. Les savants, ils nous disent riwardan, c'est-à-dire quelque chose qui remplace ce qu'il a dépensé. Et ils nous disent que cette chose qui va remplacer ce qu'il a dépensé n'a pas été citée. Ça peut être ce qu'il a dépensé, ça peut être plus grand que ce qu'il a dépensé. Et l'autre ange qui dit Ardi mumsikan talafan, accorde à celui qui se prive, accorde à celui qui ne donne pas, accorde-lui une perte. Les savants, ils nous disent, ça peut être que la perte de ce qu'il n'a pas dépensé, ce qu'il aurait dû dépenser et qu'il n'a pas dépensé, ça peut être la perte de cela dans ses biens. Ils nous disent, ça peut être la perte de tous ses biens, ou d'une grande quantité. Ils nous disent, ça peut être sa perte à lui-même. Sa perte à lui-même. Et donc, comme est important ce sujet, et comme il est combien il est négligé dans la communauté musulmane, l'il asafi shadid, malheureusement. Et ensuite, l'auteur, rahimahullah, qui nous cite le premier hadith. Le premier hadith, donc, concernant la base de l'islam. Et bi'idnillahi ta'ala, parce que là, ça fait déjà une demi-heure. On va commencer, donc, l'explication des hadiths demain. Bi'idnillahi ta'ala. En sachant qu'il y a 7 hadiths dans ce chapitre concernant l'aumône obligatoire. Il y a 7 hadiths cités par l'auteur. Et nous, comme je l'ai dit précédemment, on va essayer donc petit à petit d'étudier ce qui est voulu par la définition de la zakat. Et demain, c'est vous qui allez me la donner. Bi'idnillahi ta'ala. Qu'Allah Azzawajal vous récompense les frères et vous accorde à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullahu khairan.